Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Quitter le pouvoir, troisième épisode, Giscard, l'histoire d'un homme à qui tout a réussi jusqu'à ce que tout s'arrête brutalement. Député à 30 ans, secrétaire d'État aux Fédérances à 33, puis président de la République à 48, Valéry Giscard d'Estaing est celui qui fait glisser le pouvoir hors des mains des gaullistes pour la première fois depuis le retour du général en 58. Son prédécesseur, Georges Pompidou, avait le souci de la modernité et de la com' naissante. Giscard, lui, en avait l'obsession. Mais il a aussi un bilan. Abaissement de la majorité civile, loi sur l'IVG, bien sûr et avant tout. Divorce par consentement mutuel, allongement de la durée des allocations chômage, fin de la tutelle de la télé publique. Oui, un vrai bilan qui fonctionnera 6 ans, mais lors de la dernière année de son mandat, c'est la curée. Une attitude aristocrate et hautaine, une communication qui confine à la gadgetisation, un désir de gauche dans le pays et surtout un coffret de diamants précipiteront sa chute, brutale, comme une fin de parcours en queue de poisson. C'est trop bête, dira-t-il plus tard, nostalgique. Giscard, le moderne, voulait décrisper la société française, la déboutonner. Au printemps 80, il se retrouve nu dans le désert, ne trouvant qu'une modeste oasis pour tenter de se relancer son département du Puy-de-Dôme. Notre invité aujourd'hui est la journaliste politique Michèle Cotta, qui a notamment publié ses cahiers secrets de la 5e République en 4 tomes, évoquant entre autres les années Giscard. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. France présidentielle, si les Français votaient aujourd'hui, le candidat Giscard d'Estaing serait largement élu, le chef de l'État obtiendrait 52% des voix face à Rocard, 57% face à Mitterrand, sondage Figaro Sofres publié ce matin. Il aurait dû gagner. À l'automne 80, 6 mois avant la présidentielle, il caracole en tête des sondages. Rares ont été les présidents à conserver une cote de popularité aussi forte, et tout au long de leur mandat. Il avait tout réussi. Ses études, son mariage, sa carrière politique, ministre des Finances, puis plus jeune président de la France, même les législatives de 78, qui auraient pu être favorables à la gauche et constituer un signe annonciateur de sa chute, se terminent bien. « Faites le bon choix pour la France », avait-il dit à Verdun sur le Doubs. « Entendez, ne l'offrez pas à la gauche, ne mettez pas en cohabitation », terme qui à l'époque, d'ailleurs, n'existait pas. Tout va donc très bien, Giscard dit. Et pourtant, un an pile avant ce sondage, le 10 octobre 1979, commençait une entreprise de sape qui allait lui coûter sa réélection, comme une maladie asymptomatique d'abord, dévastatrice ensuite. D'abord et avant tout, il y a cette révélation du canard enchaîné. Les diamants de Bokassa, l'ancien ami africain qu'il a invité à toutes les chasses lorsqu'il était ministre des Finances. Mais une fois qu'il est devenu président, la relation entre les deux hommes s'est étiolée. Et elle s'effondre quand le Français refuse de participer au couronnement de l'Africain mégalo devenu empereur d'opérette et de meurtre. Et tiens donc, c'est après la chute du potentat centrafricain et l'abandon de la France que sort l'affaire des diamants dans le canard. Le journal estime la valeur de ces pierres précieuses à 1 million de francs, ce que conteste l'entourage de Giscard, qui commet ensuite sa plus grosse faute. Giscard pense que si les chiens aboient, la caravane passe. Bref, il ne prend pas l'affaire au sérieux, pire, il la prend de haut. Funeste stratégie, assortie d'un ton arrogant qui ne va pas arranger les choses. Nous sommes le 27 novembre 1979. À la question que m'a posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique. Et j'ajoute méprisant. Donc votre silence, et on en termine avec cette question, votre silence, absolument, c'était ni de l'embarras, ni de l'indifférence, non, ni du mépris. Bah, c'était quelque chose qui tenait aussi, permettez-moi de vous le dire, à mon caractère et à l'idée que j'ai de ma fonction, et qui est qu'il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Dans le fond pourtant, Giscard sait très bien quel travail de sape ce livre Bokassa, qui admettra d'ailleurs et ouvertement vouloir empêcher la réélection de VGE dans une interview au Washington Post publiée le 8 mai 81, soit à 2 jours du second tour de l'élection. Mais quoi qu'il en soit réellement de cette affaire, elle est une occasion en or, si je puis dire, pour les concurrents de Giscard et pour les journaux qui soutiennent François Mitterrand. L'Obs s'appuiera sur cette affaire, par exemple, pour titrer en couverture « L'homme qui voulait être roi, accompagné d'une peinture de Giscard, couronnait à la monarque ». Une idée d'ailleurs qui s'immisce peu à peu dans les esprits. Dangereuse dérive. Et pourtant, inoxydable, et au grand dam de la gauche et des gaullistes qui le haïssent, Giscard est crédité jusqu'à 60% d'intention de vote au second tour de la présidentielle de 81. Mais à l'automne 80, les choses commencent à s'éclaircir concernant le casting. Michel Rocard présente sa candidature, avant de présenter ses excuses, ou presque, d'avoir tenté de damer le pion à Mitterrand. Il se retire au profit de qui vous savez. Et là, Giscard se trompe, lourdement, tout comme son conseiller Bernard Rideau. Du reste, les deux le reconnaissent franchement dans le documentaire de William Carrel, Le Théâtre du Pouvoir. Ah, c'est Mitterrand. Ça y est, le danger Rocard est écarté. Ouf. Et on fout rien. Je me suis dit, c'est pas la peine d'embêter les Français, qu'à faire ça de façon simple, naturelle. Et donc, une espèce de campagne assez cool. Le jour où on a appris que Rocard était définitivement mis de côté, et que c'était lui, l'affaire est faite. Il y a même quelqu'un dans la petite réunion à laquelle je participais qui s'est dit « Ah, Mitterrand, le Jules Berry de la politique, on avait vraiment l'impression d'avoir un film noir et blanc qui allait projeter aux Français. » Et quand je me suis aperçu que ce n'était pas le cas, il était trop tard pour réagir, et donc j'étais avec au moins un temps de retard sur presque tout. Valéry Giscard d'Estaing ne souhaite pas embêter les Français avec cette campagne, comme il dit. Il poursuit donc sa politique. Mais un doute l'assaille quand son premier ministre, Raymond Barre, se prend pour Churchill en promettant de la sueur et de larmes pour redresser la barre. Il est vrai qu'à la suite du deuxième choc pétrolier, la situation économique se détériore gravement, grossissant les rangs déjà bien fournis des demandeurs d'emploi. Pour atténuer le contraste, Giscard décide de lancer un grand plan destiné à mettre un peu d'optimisme à côté de son nom dans les journaux. Il définit ainsi 29 actions prioritaires et demande à Raymond Barre de faire le point sur des thèmes comme l'assurance veuvage, la protection du littoral ou la recherche de carburant non pétrolier. Mais une question taraude. Peut-il garder Raymond Barre à Matignon, ce Cassandre, cet homme connu pour dire les choses qu'on n'a pas envie d'entendre et qui aimerait devenir une référence morale dans ce microcosme qu'il honnit tout en y participant totalement? Ce qui gêne Giscard, c'est que son premier ministre démoraliserait une armée entière. Et c'est pas bon à l'approche d'une présidentielle. Plombant même. Alors pour en avoir le cœur net, à la veille de Noël, il invite discrètement Jacques Chaban-Delmas, son concurrent malheureux de la précédente élection présidentielle. À l'époque, celui-ci est président de l'Assemblée nationale. L'idée est de lui proposer de prendre la place de Raymond Barre pour les derniers mois du septennat. Mais Chaban décline avec ses mots. Vous allez être réélu d'ailleurs, Mitterrand le sait. Erreur d'analyse ou manœuvre? Car on sait que Chaban a mis de longue date du candidat socialiste alors. Mais le plus grand adversaire de Giscard n'est-il pas Giscard lui-même? Amoureux des traditions, il va tendre une nouvelle perche à ses détracteurs. Le 16 janvier 81, il délocalise un conseil des ministres à Rambouillet. L'endroit choisi est symbolique, explique-t-il, car c'est ici qu'a eu lieu le tout premier sommet européen des chefs d'État et de gouvernement de ce qu'on appelait la Communauté économique européenne. Mais ses adversaires ont une autre traduction. Le château de Rambouillet était le domaine de chasse de Louis XV et de Louis XVI. Une illustration parfaite, estime-t-il, de la dérive monarchique de ce président et tellement aristocrate. Quand une initiative vertueuse se transforme en nouvel écueil, ça s'appelle perdre la main. Et c'est bien le sentiment que Giscard va donner jusqu'à la chute finale. Fin janvier, il n'a toujours pas déclaré sa candidature, méthode classique pour un président qui brigue sa réélection. Se prononcer le plus tard possible pour laisser ses concurrents frapper dans le vide, sans repère. Mais autour de lui, certains s'agitent. Jacques Chirac est sur le point d'annoncer sa candidature. Ainsi, le 22 janvier, le leader néo-gaulliste passe discrètement la grille du coq, sorte d'entrée des artistes à l'Élysée, convoqué par le président qui n'y va pas par quatre chemins. « On me dit que vous allez vous présenter », demande-t-il. Chirac botte en touche. Je ne peux pas vous répondre car ma décision n'est pas prise. Mais Giscard sait très bien que les affiches sont déjà imprimées et les locaux de campagne déjà loués. De fait, à la surprise de personne, Jacques Chirac officialise sa candidature une semaine plus tard. Et encore un caillou dans les chaussures du président, pas encore candidat, ce qui veut dire candidat, bien sûr. Des rêves sur le bitume, quelques mots d'amertume. On change de décor. Des fusils et marins, passe boulevard Saint-Germain. J'ai oublié ton corps. Qu'est-ce que sera demain? Le début ou la fin? Ou la fin? Un tramway sous la neige, les carcans nous protègent de ce qui nous fait mal. L'arrache-cœur n'arrache plus, la nostalgie n'est plus qu'un remède banal. Qu'est-ce que sera demain, le début ou la fin? Ou la fin? Sensible. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau. Pourquoi ? Comme président, je n'y ai aucun droit particulier et personne ne me doit rien. Mais pendant les 7 années où j'ai veillé avec la France, j'ai connu ses problèmes et ses difficultés. Je cherche à réunir les Français. Je ne ferai pas appel à la haine ou à la véhémence. Mon rôle n'est pas de déchirer le tissu national. Il est de le recoudre. Le président de la République continuera sa tâche jusqu'au bout, ce qui est son devoir. Le candidat s'en distinguera entièrement. Je ne serai pas un président candidat, mais un citoyen candidat. De mars 1981, Valéry Giscard d'Estaing se déclare enfin candidat à 7 semaines du premier tour, bien après François Mitterrand et Jacques Chirac. Citoyen candidat. Cette volonté se traduit jusque dans son organisation quotidienne. Aucun des membres de l'Élysée ni du gouvernement n'est autorisé à s'occuper à la fois de la campagne et de la gestion du pays. Ainsi, 3 ministres démissionnent pour le suivre, les autres resteront concentrés sur leurs tâches. Cette dissociation, l'air de rien, va provoquer un étrange sentiment de mise à l'écart au sein de ses troupes. Dans son agenda, Giscard sera président le matin à l'Élysée et candidat citoyen l'après-midi. Mais ça commence mal. Il accepte un slogan confondant de bêtises communicantes. Il faut un président à la France, comme si pendant 7 ans, elle n'en avait pas eu. En vérité, Lorsque le citoyen candidat découvre les affiches et leurs credos, il se montre sceptique, évidemment. Mais son directeur de campagne, un brin embarrassé, lui annonce qu'il est trop tard. L'affiche a déjà été envoyée à l'imprimerie. Aux larmes, citoyen. Sur le terrain, pourtant, les meetings sont plutôt des réussites. Les déplacements lui permettent de s'éloigner du microcosme parisien et de renouer avec ses électeurs. Mais à la télé, la machine s'enraye. Celui qui avait insufflé un vent de modernité en débarquant dans la vie politique française a perdu de son aura. Ça ne fonctionne plus. Et puis dans la rue, sur ses affiches sont collés deux énormes diamants à la place de ses yeux. Dévastateur. Il a beau affirmer que les diamants ont été revendus et l'argent collecté remis à la Croix-Rouge centrafricaine, rien n'y fait. Il a vraiment perdu la main. Pendant ce temps, François Mitterrand poursuit une campagne offensive où il n'hésite pas à prendre des risques pour se poser en homme d'État. Lors d'un débat télévisé, il annonce son opposition à la peine de mort, alors que la majorité sociologique se dit favorable à la loi du talion. Une prise de position saluée, jugée courageuse par l'opinion publique et les commentateurs, et qui va payer. En coulisses, sentant le vent tourner, les proches de Giscard le somment d'utiliser des boules puantes contre Mitterrand pour le déstabiliser. Il n'en fera rien. Pourtant attaqué sur l'affaire des diamants, dépeint comme monarque, il s'est toujours refusé à ses basses manœuvres, comme l'expliquait Bernard Rideau dans le documentaire « Le théâtre du pouvoir » de William Carrel. Tout d'un coup, on se réveille. Le gars qui nous est tellement plaisir d'avoir comme concurrent en octobre, certains disent qu'il faudrait lui tordre le cou. Et on parle de Vichy. Bref, troubler le personnage. Eh ben, je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que ça a été évoqué devant Giscard, Giscard a dit « pas question ». J'avais une série d'éléments, d'informations sur lui. Non, j'ai décidé de ne pas les utiliser, et je n'ai jamais regretté de ne pas les avoir utilisés, parce que ce n'était pas le sujet, à mon avis. 16 avril 81, à 10 jours du premier tour de la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing poursuit sa campagne avec un déplacement à Ajaccio. Mais à l'heure exacte où il pose un pied sur le tarmac, une bombe explose dans l'aérogare. Et le bilan est lourd. Un jeune Suisse de 19 ans décède et 8 personnes sont blessées. Cet attentat est et restera un mystère. Il était de notoriété publique que le président ne traverserait pas l'aérogare et qu'une voiture l'accueillerait dès sa descente d'avion pour se rendre à son meeting. Alors, était-il expressément visé? Nul ne le sait. Et de nombreuses questions restent en suspens. Car une personne se présentant comme membre du FLNC aurait averti l'aéroport par téléphone 3 minutes avant que la bombe n'explose. Or, d'habitude, jamais le FLNC ne revendique ces attentats avant qu'ils aient lieu. Les autonomistes corses étaient-ils vraiment à la manœuvre? Le doute s'installe. En 1990, lors d'un entretien avec la journaliste Michèle Cotta, l'ex-président revient sur cette affaire. Je me suis dit, bon, bah, il va y avoir une enquête, une bombe, rien. J'ai jamais reçu la visite d'un juge d'instruction, jamais. Jamais fait l'objet de la moindre enquête policière, on m'a jamais posé une question. C'était quand même un attentat contre le président de la République française en exercice. Alors voilà. Et votre conclusion personnelle sur l'origine? Je n'en dirai pas plus, j'ai cette grande question, point d'interrogation. Est-ce que vous savez que certains journalistes présents en ce moment avait pensé que c'était un attentat tout à fait imaginé par vos services? Et quel sentiment en avez-vous eu? Ça, je n'en ai jamais entendu parler. Il devrait y avoir des limites à l'absurdité. Je veux dire, on peut tout faire, sauf monter un attentat mortel contre soi-même. Et ce n'était pas du tout ni dans la méthode, ni dans le ton de cette époque. 10 jours plus tard, l'heure du premier tour arrive. Ce dimanche, 26 avril 1981, Valéry Giscard d'Estaing le passe en famille chez ses parents à Chanona en Auvergne. L'après-midi, il monte faire une sieste dans sa chambre d'enfant. À 18h50, le maire de Chanona l'appelle et lui donne les premiers résultats dans sa commune. VGE jette un coup d'œil, puis remonte rapidement. Il coupe le téléphone, laissant juste active la ligne spéciale reliée à la permanence de l'Élysée. Et puis il s'allonge de nouveau et se plonge dans la lecture d'un Sherlock Holmes. Antenne 2 et Europe 1, il est maintenant 20h. Estimation C2I Honeywell Bull. Valéry Giscard d'Estaing, 28,9. François Mitterrand, 25,1. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand sont donc qualifiés pour le deuxième tour. Ils se retrouvent en finaliste comme en 74. Giscard est donc en tête. Avec 18% des voix, Chirac, lui, a réussi son tour de piste et il décroche la troisième position. La place du faiseur de roi, dont il va profiter pour nuire à Giscard. C'est qu'il y a entre eux une animosité féroce, personnelle. Et puis, Giscard out, c'est la porte ouverte pour faire de Chirac le leader de l'opposition au nouveau pouvoir. Ainsi, au grand meeting giscardien de la Porte de Pantin, organisé dimanche 3 mai, une seule personnalité de droite manque à l'appel, Chirac. Alors, Giscard lui adresse une invitation portée par courrier à l'hôtel de ville de Paris. Lettre morte. Donc, il appelle au téléphone, et là, c'est le coup de poignard. Chirac lui dit « J'ai réfléchi, je ne crois pas pouvoir venir. Un seul être vous manque, et l'effet raté. » Et puis l'ode du candidat citoyen à Madame la France est jugée grandiloquent. La campagne se termine en chemin de croix. Deux jours après, le débat de l'entre-deux-tours confirme la tendance. Les vents sont mauvais. Giscard apparaît professoral, donneur de leçons. Celui qui avait rétorqué en 74 à Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole du cœur » s'entend répondre lorsqu'il a la mauvaise idée de lui faire la leçon sur le cours du franc « Je ne suis pas votre élève ». Et alors que Giscard avait qualifié Mitterrand d'homme du passé, il se sentant rétorquer 7 ans plus tard par François Mitterrand, il est fâcheux qu'entre-temps, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Le débat est passionnant, âpre, politique et politicien, spectaculaire même, à l'image de cette attaque de Giscard. Vous faites penser au mot de Rivarol. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. En effet, vous gérez le ministère de la parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Vous faites d'abondantes citations de Jacques Chirac. Pourquoi ne citez-vous pas une seule fois le nom de M. Marchais depuis le début de cette émission? Ce serait plus intéressant. Il apporterait des éléments plus proches de votre analyse. Si Giscard évoque Marchais, le faux ami de Mitterrand, c'est qu'il pense à son faux ami à lui, Chirac. Et il y a de quoi. Le leader du RPR n'a-t-il pas déclaré comme fonctionne la corde du pendu qu'il voterait Giscard à titre personnel? Ce qui est tout sauf une consigne de vote, tout sauf un soutien au président sortant. Et puis, il y a eu cette rumeur, terrible, fin novembre 80. François Mitterrand et Jacques Chirac auraient secrètement dîné ensemble. Eh bien, c'était vrai. Valéry Giscard d'Estaing apprendra les détails de ce dîner organisé chez Edith Cresson des années plus tard. Fin 95, par la bouche de François Mitterrand lui-même, quelques jours avant sa mort. Après le dîner, Jacques Chirac lui aurait dit « Est-ce que je peux vous parler en tête-à-tête ?» Et Mitterrand a dit « Bon ». Ils sont allés dans une pièce à côté, je vous répète selon ce récit, et au moment même où ils sont entrés dans cette pièce, fermaient la porte, Jacques Chirac a dit à Mitterrand « Il faut nous débarrasser de Giscard ». Alors, entre les deux tours, n'y tenant plus, Giscard prend une initiative dont le récit vaut le détour. Il le livre dans le troisième tome de ses mémoires. « Je compose le numéro », explique-t-il. Une voix féminine me répond « Permanence de Jacques Chirac, j'écoute. À qui voulez-vous parler ?» Je déploie un mouchoir sur l'appareil dans l'illusion de rendre ma voix moins facilement reconnaissable et je dis « Je voudrais savoir comment voter dimanche. » À peine un temps mort, un déclic, puis une voix masculine peu aimable me répond sans hésiter « Il ne faut pas voter Giscard, on a dû vous le dire. »« Oui. Oui, mais est-ce qu'il faut que je m'abstienne ou que je mette un bulletin blanc ?»« Il faut voter Mitterrand, » lui répond la voix. Comme ça, c'est clair. Estomaqué, Valéry Giscard d'Estaing reste assis de longues minutes à digérer le conseil. Et il comprend surtout que la partie est perdue. Bonsoir, les Français ont donc largement voté, 86,5 de taux de participation, c'est-à-dire 13,5 d'abstentionnistes seulement. Voici donc le début de cette nuit électorale qui associe les efforts de deux rédactions d'antenne. Dimanche 10 mai 81, second tour de l'élection présidentielle. Encore une fois, VGE passe son week-end loin de la foule à Chanonat en Auvergne. Et ce dimanche, l'élection se déroule calmement aux côtés de sa femme Anémone. D'abord la messe, puis le vote et une discussion à bâton rompu brève avec les journalistes au moment de déposer son bulletin. Ensuite, déjeuner chez les parents. À l'heure de la sieste, ils montent se reposer loin des tensions qui animent les quartiers généraux des candidats. À 18h30, il reçoit les résultats de la ville de Clermont-Ferrand. Devant l'ampleur de l'écart, il comprend que les événements tournent mal, très mal. Effectivement, à 20h, le résultat tombe. François Mitterrand l'emporte avec 51,76% des voix. L'ex-citoyen candidat envoie un télégramme en rédaction, lu à l'antenne par les journalistes pour féliciter son concurrent victorieux. Rien de plus. Et à 22h30, il est à la lumière, sans avoir allumé le poste de télé. Il a 55 ans, 3 mois et 8 jours. Il est vaincu, mais il se promet de réussir l'alternance et de sortir par le haut. Élysée, Paris, boulevard du Blues. La période de transition avant la passation de pouvoir, 11 jours, est lugubre. Alain Boissieu, gendre du général de Gaulle, qui en tant que grand chancelier de la Légion d'honneur doit remettre le collier au nouveau président de la République, refuse. Pas question de la remettre à François Mitterrand. Il préfère quitter ses fonctions. Cet homme appartient à une droite pourtant qualifiée de républicaine. Christine Albanel, qui est alors l'attachée de presse d'Alémone Giscard d'Estaing, raconte cette période vue de l'intérieur. C'était une défaite inimaginable. Aujourd'hui, on a des défaites qu'on peut imaginer. Celle de Valéry Giscard d'Estaing, elle ne l'était quand même pas imaginable parce que on sortait de 25 ans, en fait, de droite au pouvoir sans discontinuer. Et que finalement, en 78, tout le monde pensait que la gauche allait passer, la gauche avait perdu. Et donc, il y avait l'idée qu'au dernier moment, quand même, peut-être, il allait se passer quelque chose. Et puis non, Valéry Giscard d'Estaing perd. Et en effet, j'ai ce souvenir très particulier d'un Élysée devenu une sorte de palais au beau dormant, d'une certaine façon. Et en même temps, il se passait des choses bizarres. On voyait dans la cour des grands sacs remplis de papier déchiqueté. Il y avait les broyeuses qui fonctionnait, c'était comme dans une usine, on entendait les broyeuses fonctionner pour énormément de dossiers, de correspondances, et on jetait ces sacs par la fenêtre. Et dans cet univers totalement aseptisé, qui était vraiment l'Élysée, c'était très étrange de voir cela, les gens couraient un peu dans tous les sens, les gens se demandaient ce qu'ils allaient devenir, c'était vraiment plus qu'une alternance, enfin là on était dans un changement politique majeur, et ça l'a été. Défaite inimaginable. Sans en avoir conscience, Christine Albanel traduit l'état d'esprit de la droite à l'époque. Entre les fantasmes de l'ancien ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, porte-flingue de Giscard, qui laissait penser qu'en cas de victoire de François Mitterrand, on verrait les chars russes sur les Champs-Élysées, et un peu plus tard, l'expérience socialiste, comme le dira Jacques Chirac, la droite de l'époque estime que la gauche n'a rien à faire au pouvoir, comme si elle était condamnée au ministère de la parole. Pourtant, cette droite-là attendra 14 ans pour reconquérir l'Élysée. Et entre-temps, la France ne sera pas soviétisée et l'économie ne s'écroulera pas. Alors, pour Giscard, réussir l'alternance, le moral dans les chaussettes, certes. Réussir maintenant, sa sortie. Mais là encore, mauvaise pioche. Il se veut metteur en scène de son destin. N'est pas Patrice Chéreau qui veut. Mes voeux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. C'est le fameux épisode de la chaise vide. Quand il se lève, part, repart. On a l'impression même qu'il se trompe de porte. Quolibé, moquerie de la part des Français, sortie de piste. Et il n'est pas au bout de ses peines, car le pire arrive. Pas très républicain non plus, mais encore une fois, Giscard cherche le bâton pour se faire battre. Car en ce 21 mai 1981, après le traditionnel tête-à-tête avec son successeur, il décide de quitter l'Élysée à pied. toujours cette volonté de se mettre en scène, à ses risques et périls. Huée, la blessure est douloureuse. Quelques semaines plus tard, Giscard s'envole pour la Grèce. À son arrivée, il apprend la nomination de 4 ministres communistes dans le second gouvernement maurois. Sous le coup de l'émotion, il pense rentrer immédiatement. Le spectre des chars russes, peut-être. Puis il prend conscience qu'il n'y pourra rien changer. La France est désormais gouvernée par la gauche, et c'est comme ça. Alors, il rejoint pour quelques jours un monastère à l'écart de l'agitation. Et tout l'été sera marqué par son envie de prendre du champ avec la politique. Dès son retour, il refait ses valises et s'envole cette fois pour le Canada, chez son ami Jean Friedman, ancien résistant, cofondateur de la Radio Europe. Il devait y rester 15 jours, il y séjournera 6 semaines. Dire que cet échec a durablement marqué l'ex-président n'est pas excessif, car des années durant, il confie à William Carrel son incapacité à ouvrir un journal. C'était pas la défaite, c'était la concentration des attaques et de la haine. Enfin, c'est une espèce de morsure de l'adversité. Ça ressemble un peu à une brûlure, un peu de traumatisme. On ne peut pas toucher le corps ou le métal qui vous a brûlé. Et donc, je ne pouvais pas lire la page politique d'un journal. Et pendant des années, je ne les ai pas lues. Des années. Une espèce d'aversion totale. C'est même curieux que ça puisse être aussi fort. Mort en décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing était l'un des rares présidents, en tout cas le premier, à qui journalistes, documentaristes, chercheurs ont demandé des décennies durant de commenter son échec, comme une psychanalyse sans fin, qu'il a poursuivi lui-même en écrivant 3 tomes pour disséquer échec et succès. Et c'est dans un de ses livres qu'il confesse « Au pouvoir, je me suis enlaidi ». Il parlait de son physique, une vue d'esprit évidemment, un sentiment personnel, mais qui traduit l'épreuve du pouvoir, probablement moins violente que celle de l'échec. Quand je joue, oh, oh, oh, oh, carlingue froissée. Mais j'ai chanté toute la nuit. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Quitter le pouvoir, Giscard. Notre invité, Michel Cotta. Bonjour. Bonjour. Alors vous, mes journalistes politiques, vous avez notamment publié les cahiers secrets de la Ve République en 4 tomes, évoquant entre autres, évidemment, les années Giscard. Alors on a vu 6 ans de pouvoir avec une cote de popularité qui n'a pas faibli pendant quasiment ces 6 ans. D'ailleurs, on se souvient à l'époque, on le croyait fort, hein, probablement réélu, et puis cette fin de mandat en queue de poisson. Alors c'est évidemment un millefeuille d'événements qui débouche sur ce scénario-là. Mais il y a aussi le désir de gauche, sur lequel on n'a pas insisté. Quel poids ça a eu, le désir de gauche, dans la chute de Giscard? Je pense que ça a eu quand même une importance décisive, parce que j'ai entendu, bien sûr, on se rappelle tous l'histoire des diamants et à quel point ça a fait du mal, peut-être injustement d'ailleurs, hein, parce que les diamants n'étaient pas des 1000 carats. Bon, enfin, on sait très bien le mal que ça a fait à Valéry Giscard d'Estaing. Il reste que jusqu'au début de la campagne, il était donc, vous l'avez dit, très bien placé dans les sondages. Et moi, je me rappelle qu'en janvier, au mois de janvier, quand on savait bien sûr que François Mitterrand allait se présenter, on se disait les uns les autres, les journalistes, il n'a aucune chance. Mmh. Il n'a aucune chance, il a déjà perdu 78. Mais je crois néanmoins que le fait d'avoir perdu les élections de 78 avait déjà paru assez injuste et inattendu. On s'attendait à ce que la gauche arrive au pouvoir ce jour-là. Alors après 78, il y a eu toute une partie de l'opinion qui s'est dit bon ben voilà, cette fois-ci c'est définitivement terminé. Et puis au contraire, toute une partie de l'opinion qui a dit ah il faut que ça change. Et c'est ça un des motifs. Aidé d'ailleurs par Michel Rocard, je crois qu'à au soir des législatives de 78, il avait tenu un discours très volontariste qui disait mais c'est pas une fatalité quoi, c'est pas une fatalité que la gauche perde, bon sang. Oui, volontariste pour lui. Oui. C'est-à-dire à cette époque en 78, il avait tenu donc ce propos il n'y a pas de fatalité de l'échec, mais en fait ça voulait dire si on se débarrasse de François Mitterrand et si c'est moi, il n'y a pas de fatalité de l'échec. Mais le nouveau a été comme ça. Toujours l'inattendu arrive, c'est que ça a été François Mitterrand, et ça a été quand même la fin de la fatalité de l'échec. Oui, ce qui fait le charme de la politique, hein, ces surprises-là. À quel moment, puiser dans vos souvenirs, Michel Cotta, à quel moment vous vous êtes dit, ainsi que vos consoeurs et confrères journalistes politiques, ça ne va pas le faire pour Giscard? À quel moment? Est-ce que c'est janvier, février, avant? Pas avant, c'est sûr, mais à quel moment? Quoi, non, moi, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, et je vais vous dire, c'est au débat du second tour. Vous pensez que les débats... vous l'animiez, celui-là. Justement, et j'ai... Oui, c'était celui... Enfin, j'en ai animé deux, celui de 80, celui de 88. Mais là, je me suis dit... j'ai trouvé, si vous voulez, un François Mitterrand tellement sûr de lui, tellement offensif, tellement qui ne se laissait pas abattre comme la première fois en 74. Et en même temps, j'ai vu dans l'œil de Giscard, j'ai vu ça sur le moment vraiment, qui se disait c'est pas possible, je suis en train de perdre. Et ça m'a beaucoup marqué ce soir-là. Et puis le lendemain matin, on savait que les sondages étaient définitifs et que là c'était 52-48 dans les sondages et que apparemment entre le premier et le deuxième tour c'était gagné. Mais vous voyez, moi j'ai attendu ce moment-là. Je n'ai jamais été sûr avant. Ce qui est rare parce qu'on s'aperçoit que au fil des élections présidentielles, c'est souvent au mois de février qu'on arrive à dessiner le scénario. Hein. Ouais. Il a fallu attendre jusqu'au bout. Oui, si vous voulez. Mettons, évidemment, la question est restée, personne n'était sûr, je veux dire, que Mitterrand perdrait, mais personne n'était sûr que Giscard gagnerait, et ça, à mon avis, jusqu'au mois de mars-avril. Alors pourtant, cet homme, Giscard, a un bilan, un vrai bilan, notamment sur les questions qu'on qualifie aujourd'hui de sociétales. Hein. Et manifestement, il n'y a pas eu de gratitude de la part des Français. C'est parce que Giscard a échoué dans sa lutte contre le chômage et contre l'inflation, parce que c'était la priorité numéro un des Français, qu'il n'a pas été reconnu pour son action. Non, je pense que d'abord les réformes sociétales, vous avez raison, les réformes sociétales ont été très importantes, peut-être les plus importantes sous les septennats ou quinquennats de la Ve République, mais elles ont eu lieu la première année. Et donc d'ici là, vous savez, les Français sont oublieux, les électeurs sont oublieux. Ils avaient déjà oublié qu'il y avait la majorité à 18 ans, surtout l'IVG. Enfin bon, ils avaient complètement oublié ça. Et en plus, je vous rappelle que l'IVG n'a été voté qu'à cause des voix de gauche à l'Assemblée nationale. Mmh. Et ça, c'était la première année du mandat. Donc déjà, ça prouvait que la droite était plus difficile à attirer par des réformes, sociétales. Donc ces réformes sociétales avaient été oubliées. Non, je crois que ce qui a plus marqué que tout, bien sûr, c'est l'impopularité de Raymond Barre et les 14% ou même les 16% d'inflation. Enfin, ça, les Français je crois que les Français ne réagissent jamais sur un bilan. Le bilan, après tout, l'inflation, ça ne déplaisait pas à tout le monde. Il y avait des gens qui avaient acheté des appartements plus tôt et qui étaient contents que l'inflation aille si vite. Donc je pense pas que ce soit le bilan. C'était le comportement. Le comportement final de Valéry Giscard d'Estaing, vous le dites très bien dans votre émission. Je n'arrive pas à comprendre comment cet homme intelligent, est tombé dans le piège inouï de se prendre pour un descendant de Louis XV, quoi, pour dire les choses facilement. Il n'était pas du tout comme ça au début. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quatre années qui ont fait qu'à la fin, il n'y avait personne en face de lui quand il y avait un dîner, vous savez, personne n'avait la grâce d'être en face de lui. La chaise était vide, ce qui est quand même extraordinaire. Bon, il se faisait servir en premier, ce qui a beaucoup fait parler, évidemment, les gens qui étaient des invités. C'est une question de comportement. Mmh. Et un comportement qu'il aurait pu éviter, après tout. Il était Valéry Giscard d'Estaing, on l'avait vu jouer au football dans les premières années, on le voyait en pull vert, on le voyait conduisant des métros. D'un seul coup, quelque chose s'est... Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir été attaqué? Lui, il a trouvé injustement pour ses diamants. Est-ce que c'est parce qu'il faisait trop de chasse aux ours, parce qu'il était trop souvent en Afrique, parce qu'il avait l'air de sortir le soir au moment où tout le monde le croyait dans sa chambre à l'Élysée? Bref, voilà. C'est le comportement plutôt qu'autre chose, je pense. Oui. Et puis un peu peut-être le mépris de son adversaire. Et un peu le mépris de son adversaire. Giscard était typiquement... Personne ne pensait... Oui, pardon. Finissez, je vous en prie. Finissez votre propos. Non. Personne ne croyait. Il ne croyait pas que François Mitterrand pouvait être élu. Il pensait que c'était fini, que c'était la troisième fois, qu'il l'avait eu une première fois et qu'il l'aurait la seconde. Voilà. Il a méprisé son adversaire. Que d'erreur d'appréciation. Alors, Giscard était typiquement le président qui aurait pu, on peut penser ça, abroger la peine de mort. Pourquoi a-t-il raté cette occasion historique? Il n'a pas osé? Est-ce qu'on le sait, ça? Il le dit très bien dans ses mémoires. Il dit comment il a été particulièrement touché lorsque l'un des condamnés à mort a été tué pendant sa présidence. Il dit que la nuit qu'il a passée était horrible. Je pense que la question ne se posait pas encore pour lui, alors qu'elle se posait beaucoup pour Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac, lui, a dit un peu plus tard qu'il était pour la suppression de la peine de mort. Il a dit ça, vous me direz, beaucoup plus tard, mais quand même, je pense qu'à droite, on ne pensait pas à l'abolition de la peine de mort. Je pense que c'était un thème favori de certaines personnes dans la gauche, et encore pas de tout le monde, hein, comme Robert Badinter, mais un homme de sa génération, un homme de son éducation et quelqu'un de son monde ne pensait pas forcément à la suppression de la peine de mort, même s'il a beaucoup souffert et en prenant la responsabilité. puisque c'est le président qui prend la responsabilité de tuer un homme, de faire tuer un homme. Faire tuer un homme, une lourde responsabilité, ça devait être évidemment, peut-être l'une des raisons pour lesquelles aussi on a aboli la peine de mort, qu'un homme puisse pas décider de la vie d'un autre. Enfin, c'est complètement fou. On se retrouve dans 3 minutes, Michel Cotta. Oui, pardon, on se retrouve dans 3 minutes, ne quittez pas surtout. Merci. Après avoir écouté par Kurt Kurtz, Walking on the Downtown Pace. Michel Cotta, on parlait du comportement de Valérie Giscard d'Estaing qui expliquerait en partie son échec. Il y avait aussi l'image d'un président moderne mais qui avait adopté une communication qui frisait la gadgetisation quand il a reçu les éboueurs, quand il allait dîner chez les Français. Beaucoup ont dit démago, quoi. Démago, ça suffit. Ça a joué, ça? Écoutez, ça a peut-être joué, mais il y avait quand même une grande part de sincérité chez lui. C'est ça qui est un peu injuste quand on repense à son septennat. Lui, il croyait vraiment qu'il fallait surtout pas s'enfermer, qu'il fallait surtout aller à la rencontre des gens. Alors, il y est allé à sa manière, c'est-à-dire, oui, en étant un peu le monarque invité. Par le bon peuple. Et c'est vrai que c'est ça qui a fait rire ou sourire ou qui a même parlé de gadgets. Mais après tout, oui, c'est un inventeur des gadgets politiques. Mais dis donc, depuis, c'est un précurseur. Hein, ah bah oui. Parce que tout le monde en a fait beaucoup. Bien sûr. Mais là... là, évidemment, les gadgets ne sont pas passés auprès des gens, mais je ne suis pas sûre qu'ils ne passaient pas auprès des gens. Moi, je me rappelle avoir fait une émission avec, à propos des déjeuners de Valérie Giscard d'Estaing, où beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'appels au téléphone, disant « mais c'est pas mal du tout », mais c'est y compris des gens qui l'avaient invité. Alors bon, les éboueurs en revanche, ça a fait beaucoup plus fait beaucoup plus parler qu'ils reçoivent les éboueurs, mais là aussi, ça déplaisait aux gens de son camp. Ça déplaisait pas forcément à la gauche, mais ça déplaisait aux gens de son camp qui ont trouvé que là vraiment, ils transgressaient trop les lignes. Donc c'est drôle, mais c'est vraiment un septennat sur lequel il faudra revenir parce que il est très intéressant. Une première partie. C'est vrai qu'il est très intéressant. Une première partie totalement réformatrice. Totalement réformatrice, et un deuxième totalement conservateur. Vous l'avez côtoyé. C'est surprenant. Oui, surprenant. Oui, bien sûr. C'est un homme paradoxal. Vous l'avez côtoyé. Quel genre d'homme était-il avec les journalistes, avec vous, avec les autres? Expliquez-moi son comportement en semi-privé, parce que c'est jamais complètement privé, avec des journalistes. C'était d'une grande gentillesse, d'une grande attention. C'est-à-dire quand on arrivait, ils vous demandaient toujours si vous aviez besoin de quelque chose pour rentrer. Une grande attention, oui. Et aussi une façon de parler, de parler aux journalistes, où ils leur parlaient vraiment en les prenant pour des, sans les mépriser, en les prenant vraiment en considération. On pouvait discuter ce qu'ils disaient, on pouvait être contre. Et d'ailleurs, autour de lui, il y avait des journalistes de gauche et de droite hein, qu'il a reçu sans arrêt jusqu'au moment des diamants. Là, au moment des diamants, il a interrompu les relations avec la presse. Avec respect, il prenait pas les gens de haut, il parlait avec respect. Ben écoutez, pas quand il parlait avec les journalistes que nous étions. Mmh. Je pense qu'il prenait davantage, il avait l'air de prendre de haut davantage les autres partenaires de politique, vous voyez. Ça, oui, il avait l'air de penser qu'il était plus fort dans n'importe quel duel, qu'il était plus fort que l'autre. Oui, ça je peux pas dire. Il y avait pas un doute terrible. Il ne doutait pas vraiment. Ni de ses qualités, ni de son intelligence. Ça, c'est sûr, on peut dire. Alors, évidemment, ça en énerve beaucoup. Et c'était un homme assez sensible. On l'a vu lors de deux, trois interviews où il avait des émotions, presque les larmes aux yeux. J'y vais. On se voit pas, c'est pas toujours facile. Bon, je veux dire que peut-être que lui a vécu de façon plus cruelle, plus douloureuse, je veux dire l'échec, peut-être plus que Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je m'avance pas, je dis peut-être. Apparemment, il a vraiment souffert humainement. Oui, mais vous savez, je crois que c'est dur pour tout le monde. C'est pas dur de la même manière. Lui était effectivement plus démonstratif et peut-être sentimental vis-à-vis de la vie. Oui, sentimental, voilà, c'est ça. Un échec terrible parce que il était monté si vite et si haut. C'est vrai que c'est très difficile de perdre le pouvoir dans ces conditions, mais encore une fois, ça a été très difficile pour Nicolas Sarkozy, ça a été très difficile pour Jacques Chirac d'être battu lorsqu'il a été par Mitterrand en 88, hein, on sait bien qu'il l'a vraiment très bien pris. Bon, je crois que c'est un métier où on a des chocs intenses et des chocs irréversibles. Je vais vous poser... Alors lui, il avait essayé de recommencer. Oui, alors c'est lui, ça. Il avait essayé de recommencer. Oui. Par le local, hein, par le Puy-de-Dôme, quand il s'est fait élire conseiller général en mars 82, je crois. Voilà, alors là, il a été aussi très critiqué par des tas de gens qui disaient « Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on a été président de la République, on fait comme en Allemagne, on disparaît. » Moi, j'avais trouvé ça plutôt touchant, vous voyez. Oui, j'avais trouvé qu'il commence dans courageux le Puy-de-Dôme. Qui se remettent. Ouais, c'était, moi, j'avais trouvé ça plutôt courageux. Et il ne faut quand même pas oublier que la fin de sa vie a été intellectuellement très, très, très riche. Hein. Après tout, il a beaucoup travaillé pour l'Europe, il a fait des rapports, il a été une personnalité quand même qui n'a pas été écartée du monde de la politique. Oui. Enfin, il reste cet échec qui a été primordial. Ce sera le mot de la fin, Michel Cotta, ça passe vite, ça passe vite. Alors, je voulais faire une comparaison, mais j'ai pas le temps. Si je vous dis, si je vous dis un candidat de centre droit, ancien ministre des Finances, sans grand parti pour le soutenir, jeune, avec un sens aigu de la com, moi je trouve que c'est à la fois Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron. Enfin, la comparaison s'arrête là. Il y a quand même des similitudes. Hein. D'accord. Au revoir. Je vous laisse la responsabilité. Absolument. Au revoir, Michel Cotta, merci infiniment. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Giscard, Quitter le pouvoir, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.